tellement voulu te contempler plus longtemps, plonger dans tes bras nus jusqu'à la fin des temps. Mais Jenny, je ne t'ai vu qu'une fois, pourtant je ne t'oublierai pas. Mon unique vision de toi m'a fait pousser des ailes. Je m'envolerai jusqu'à toi, sous la neige, la pluie, la grêle. Oh Jenny, je ne t'ai vu qu'une fois, pourtant je ne t'oublierai pas. Un seul regard a suffi à me faire dire oui à la vie. Mon amour, oh ma chérie, viens dans mes bras et reste-y, mes Jenny.